Daniel Defoe, Moll Flanders. Mon véritable nom est si bien connu dans les archives ou registres des prisons de Newgate et de Old Bailey, et certaines choses de telle importance en dépendent encore, qui sont relatives à ma conduite particulière, qu'il ne faut pas attendre que je fasse mention ici de mon nom ou de l'origine de ma famille. Peut-être après ma mort, ceci sera mieux connu. À présent, il n'y aurait nulle convenance, non, quand même on donnerait pleine et entière rémission, sans exception de personnes ou de crimes. Il suffira de vous dire que certaines de mes pires camarades, hors d'état de me faire du mal, car elles sont sorties de ce monde par le chemin de l'échelle et de la corde, que moi-même j'ai souvent pensé prendre, m'ayant connu par le nom de Moll Flanders, vous me permettrez de passer sous ce nom jusqu'à ce que j'ose avouer tout ensemble qui j'ai été et qui je suis. On m'a dit que dans une nation voisine, soit en France, soit ailleurs, je n'en sais rien, il y a un ordre du roi, lorsqu'un criminel est condamné ou à mourir ou aux galères ou à être déporté et qu'il laisse des enfants, qui sont d'ordinaire sans ressources par la confiscation des biens de leurs parents, pour que ces enfants soient immédiatement placés sous la direction du gouvernement et transportés dans un hôpital qu'on nomme « maison des orphelins », où ils sont élevés, vêtus, nourris, instruits, et au temps de leur sortie, entrent en apprentissage ou en service tellement qu'ils sont capables de gagner leur vie par une conduite honnête et industrieuse. Si telle eût été la coutume de notre pays, je n'aurais pas été laissée, pauvre fille désolée, sans amis, sans vêtements, sans aide, sans personne pour m'aider, comme fut mon sort. Par quoi je fus non seulement exposée à de très grandes détresses, même avant de pouvoir ou comprendre ma situation ou l'amender, mais encore jetée à une vie scandaleuse en elle-même et qui, par son ordinaire cours, amène la destruction de l'âme et du corps. Mais ici le cas fut différent. Ma mère fut convaincue de félonie pour un petit vol à peine digne d'être rapporté. Elle avait emprunté 3 pièces de fine Hollande à un certain drapier dans Cheapside. Les détails en sont trop longs à répéter, et je les ai entendus raconter de tant de façons que je puis à peine dire quel est le récit exact. Quoi qu'il en soit, ils s'accordent tous en ceci, que ma mère plaida son ventre, qu'on la trouva grosse et qu'elle eut 7 mois de répit. Après quoi on la saisit, comme ils disent, du premier jugement. Mais elle obtint ensuite la faveur d'être déportée aux plantations et me laissa, n'étant pas âgée de la moitié d'un an et en mauvaise main, comme vous pouvez croire. Ceci est trop près des premières heures de ma vie pour que je puisse raconter autre chose de moi, sinon par oui dire. Il suffira de mentionner que je naquis dans un si malheureux endroit qu'il n'y avait point de paroisse pour y avoir recours afin de me nourrir dans ma petite enfance, et je ne peux pas expliquer le moins du monde comment on me fit vivre. Si ce n'est qu'une parente de ma mère, ainsi qu'on me l'a dit, m'emmena avec elle, mais aux frais de qui, ou par l'ordre de qui, c'est ce dont je ne sais rien. La première chose dont je puisse me souvenir, ou que j'ai pu jamais apprendre sur moi, c'est que j'arrivais à être mêlée dans une bande de ces gens qu'on nomme bohémiens ou égyptiens. mais je pense que je restai bien peu de temps parmi eux, car ils ne décolorèrent point ma peau, comme ils le font à tous les enfants qu'ils emmènent, et je ne puis dire comment je vins parmi eux, ni comment je les quittai. Ce fut à Colchester, en Essex, que ces gens m'abandonnèrent. Et j'ai dans la tête la notion que c'est moi qui les abandonnais, c'est-à-dire que je me cachai et ne voulus pas aller plus loin avec eux. Mais je ne saurais rien affirmer là-dessus. Je me rappelle seulement qu'ayant été prise par des officiers de la paroisse de Colchester, je leur répondis que j'étais venue en ville avec les Égyptiens, mais que je ne voulais pas aller plus loin avec eux, et qu'ainsi ils m'avaient laissée. Mais où ils étaient allés, voilà ce que je ne savais pas, car, ayant envoyé des gens par le pays pour s'enquérir, il paraît qu'on ne put les trouver. J'étais maintenant en point d'être pourvu, car bien que je ne fusse pas légalement à la charge de la paroisse pour telle ou telle partie de la ville, pourtant, dès qu'on connut ma situation et qu'on sut que j'étais trop jeune pour travailler, n'ayant pas plus de 3 ans d'âge, la pitié émut les magistrats de la ville et ils décidèrent de me prendre sous leur garde et je devins à eux, tout comme si je fusse né dans la cité. Dans la provision qu'ils firent pour moi, j'eus la chance d'être mise en nourrice, comme ils disent, chez une bonne femme qui était pauvre, en vérité, mais qui avait connu de meilleurs jours et qui gagnait petitement sa vie en élevant des enfants tels qu'on me supposait être et en les entretenant en toutes choses nécessaires, jusqu'à l'âge où l'on pensait qu'ils pourraient entrer en service ou gagner leur propre pain. Cette bonne femme avait aussi une petite école qu'elle tenait pour enseigner aux enfants à lire et à coudre. Et ayant, comme j'ai dit, autrefois vécu en bonne façon, elle élevait les enfants avec beaucoup d'art, autant qu'avec beaucoup de soin. Mais ce qui valait tout le reste, elle les élevait très religieusement aussi, étant elle-même une femme bien sobre et pieuse, secondement bonne ménagère et propre, et troisièmement, de façons et mœurs honnêtes. Si bien qu'à ne point parler de la nourriture commune, du rude logement et des vêtements grossiers, nous étions élevés aussi civilement qu'à la classe d'un maître de danse. Je continuai là jusqu'à l'âge de 8 ans, quand je fus terrifié par la nouvelle que les magistrats, je crois qu'on les nommait ainsi, avaient donné l'ordre de me mettre en service. Je ne pouvais faire que bien peu de choses où qu'on m'envoyât, sinon aller en course ou servir de souillon à quelques filles de cuisine. Et comme on me le répétait souvent, j'en pris une grande frayeur. Car j'avais une extrême aversion à entrer en service, comme il disait, bien que je fusse si jeune. Et je dis à ma nourrice que je croyais pouvoir gagner ma vie sans entrer en service, si elle voulait bien me le permettre. Car elle m'avait apprise à travailler de mon aiguille et à filer de la grosse laine, qui est la principale industrie de cette ville, et je lui dis que si elle voulait bien me garder, je travaillerais bien fort. Je lui parlais presque chaque jour de travailler bien fort, et en somme, je ne faisais que travailler et pleurer tout le temps, ce qui affligea tellement l'excellente bonne femme qu'enfin elle se mit à s'inquiéter de moi, car elle m'aimait beaucoup. Là-dessus, un jour, comme elle entrait dans ma chambre où tous les pauvres enfants étaient au travail, elle s'assit juste en face de moi, non pas à sa place habituelle de maîtresse, mais comme si elle se disposait à dessein pour m'observer et me regardait travailler. J'étais en train de faire un ouvrage auquel elle m'avait mise, et je me souviens que c'était à marquer des chemises. Et après un temps, elle commença de me parler. « Petite sotte, dit-elle, tu es toujours à pleurer. » Et je pleurais alors. « Dis-moi pourquoi tu pleures. » « Parce qu'ils vont m'emmener, dis-je, et me mettre en service, et je ne peux pas faire le travail de ménage. » « Eh bien, mon enfant, dit-elle, il est possible que tu ne puisses pas faire le travail de ménage, mais tu l'apprendras plus tard, et on ne te mettra pas au gros ouvrage tout de suite. « Si, on m'y mettra, dis-je, et si je ne peux pas le faire, on me battra, et les servantes me battront pour me faire faire le gros ouvrage, et je ne suis qu'une petite fille, et je ne peux pas le faire. » Et je me remis à pleurer, jusqu'à ne plus pouvoir parler. Ceci émut ma bonne nourrice maternelle, si bien qu'elle résolut que je n'entrerai pas encore en condition. Et elle me dit de ne pas pleurer, et qu'elle parlerait à monsieur le maire, et que je n'entrerais en service que quand je serai plus grande. Eh bien, ceci ne me satisfit pas, car la seule idée d'entrer en condition était pour moi une chose si terrible que si elle m'avait assuré que je n'y entrerais pas avant l'âge de 20 ans, cela aurait été entièrement pareil pour moi. J'aurais pleuré tout le temps, rien qu'à l'appréhension que la chose finirait par arriver. Quand elle vit que je n'étais pas apaisée, elle se mit en colère avec moi. « Et que veux-tu donc de plus ? Dit-elle. « Puisque je te dis que tu n'entreras en service que quand tu seras plus grande. »« Oui, dis-je, mais il faudra tout de même que j'y entre à la fin. »« Mais quoi ? Dit-elle. « Est-ce que cette fille est folle ? Quoi ? Tu veux donc être une dame de qualité ? » ?»« Oui, dis-je, et je pleurais de tout mon cœur, jusqu'à éclater encore en sanglots. » Ceci fit rire la vieille demoiselle, comme vous pouvez bien penser. « Eh bien, madame, en vérité, dit-elle en se moquant de moi, vous voulez donc être une dame de qualité ? Et comment ferez-vous pour devenir dame de qualité ? Est-ce avec le bout de vos doigts ? Oui, dis-je encore innocemment. « Mais voyons, qu'est-ce que tu peux gagner ? Dit-elle. « Qu'est-ce que tu peux gagner par jour en travaillant ?»« 6 sous, dis-je, quand je file, et 8 sous quand je couds du gros linge. »« Hélas, pauvre dame de qualité, dit-elle encore en riant, cela ne te mènera pas loin. »« Cela me suffira, dis-je, si vous voulez bien me laisser vivre avec vous. » Et je parlais d'un si pauvre ton suppliant que j'étreignis le cœur de la bonne femme, comme elle me dit plus tard. « Mais, dit-elle, cela ne suffira pas à te nourrir et à t'acheter des vêtements. Et qui donc achètera des robes pour la petite dame de qualité ? Dit-elle, et elle me souriait tout le temps. « Alors je travaillerai plus dur, dis-je, et je vous donnerai tout l'argent. Mais mon pauvre enfant, cela ne suffira pas. » dit-elle, il y aura à peine de quoi te fournir d'aliments. Alors vous ne me donnerez pas d'aliments, dis-je encore innocemment, mais vous me laisserez vivre avec vous. Et tu pourras vivre sans aliments, dit-elle. Oui, dis-je encore comme un enfant, vous pouvez bien penser, et je pleurais encore de tout mon cœur. Je n'avais aucun calcul en tout ceci. Vous pouvez facilement voir que tout était de nature. Mais c'était joint à tant d'innocence et à tant de passion qu'en somme la bonne créature maternelle se mit à pleurer aussi et enfin sanglota aussi fort que moi et me prit et me mena hors de la salle d'école. « Viens, dit-elle, tu n'iras pas en service, tu vivras avec moi. » Et ceci me consola pour le moment. Là-dessus, elle alla faire visite au maire. Mon affaire vint dans la conversation, et ma bonne nourrice raconta à monsieur le maire toute l'histoire. Il en fut si charmé qu'il alla appeler sa femme et ses deux filles pour l'entendre, et ils s'en amusèrent assez entre eux, comme vous pouvez bien penser. Enfin, une semaine ne s'était pas écoulée que voici tout à coup madame la femme du maire et ses deux filles qui arrivent à la maison pour voir ma vieille nourrice et visiter son école et les enfants. Après qu'elles les eurent regardées un peu de temps, « Eh bien, madame, dit la femme du maire à ma nourrice, et quelle est donc, je vous prie, la petite fille qui veut être dame de qualité ?» Je l'entendis et je fus affreusement effrayée, quoique sans savoir pourquoi non plus. Mais madame la femme du maire vient jusqu'à moi. « Eh bien, mademoiselle, dit-elle, et quel ouvrage faites-vous en ce moment ?» Le mot « mademoiselle » était un langage qu'on n'avait guère entendu parler dans notre école, et je m'étonnais de quel triste nom elle m'appelait. Néanmoins, je me levai, fis une révérence, et elle me prit mon ouvrage dans les mains, le regarda et dit que c'était très bien. Puis, elle regarda une de mes mains. « Ma foi, dit-elle, elle pourra devenir dame de qualité après tout. Elle a une main de dame, je vous assure. » Ceci me fit un immense plaisir. Mais madame la femme du maire ne s'en tint pas là. Mais elle mit sa main dans sa poche et me donna un shilling et me recommanda d'être bien attentive à mon ouvrage et d'apprendre à bien travailler, et peut-être je pourrais devenir une dame de qualité après tout. Et tout ce temps, ma bonne vieille nourrice et madame la femme du maire et tous les autres gens ne me comprenaient nullement. Car voulait dire une sorte de chose par le mot dame de qualité, et moi, j'en voulais dire une toute différente. Car, hélas, tout ce que je comprenais en disant dame de qualité, c'est que je pourrais travailler pour moi et gagner assez pour vivre sans entrer en service. Tandis que pour eux, cela signifiait vivre dans une grande et haute position, et je ne sais quoi. Eh bien, après que madame la femme du maire fut partie, ces deux filles arrivèrent et demandèrent aussi à voir la dame de qualité, et elles me parlèrent longtemps, et je leur répondis à ma guise innocente. Mais toujours, lorsqu'elles me demandaient si j'avais résolu de devenir une dame de qualité, je répondais « oui ». Enfin, elles me demandèrent ce que c'était qu'une dame de qualité. Ceci me troubla fort. Toutefois, j'expliquai négativement que c'était une personne qui n'entrait pas en service pour faire le ménage. Elles en furent extrêmement charmées, et mon petit babillage leur plut et leur sembla assez agréable, et elles me donnèrent aussi de l'argent. Pour mon argent, je le donnai tout à ma nourrice maîtresse, comme je l'appelais, et lui promis qu'elle aurait tout ce que je gagnerais quand je serais dame de qualité, aussi bien que maintenant. Par ceci et d'autres choses que je disais, ma vieille gouvernante commença de comprendre ce que je voulais dire par dame de qualité, et que ce n'était pas plus que d'être capable de gagner mon pain par mon propre travail, et enfin, elle me demanda si ce n'était pas cela. Je lui dis que oui, et j'insistai pour lui expliquer que vivre ainsi, c'était être dame de qualité. Car, dis-je, il y a une telle, nommant une femme, qui raccommodait de la dentelle et lavait les coiffes de dentelle des dames, « elle, dis-je, c'est une dame de qualité, et on l'appelle madame. »« Pauvre enfant, dit ma bonne vieille nourrice, tu pourras bientôt être une personne mal famée et qui a eu deux bâtards. » Je ne compris rien à cela, mais je répondis, Je suis sûre qu'on l'appelle madame, et elle ne va pas en service, et elle ne fait pas le ménage. » Et ainsi je soutins qu'elle était dame de qualité, et que je voulais être dame de qualité, comme elle. Tout ceci fut répété aux dames, et elles s'en amusèrent, et de temps en temps les filles de monsieur le maire venaient me voir et demandaient où était la petite dame de qualité, ce qui ne me rendait pas peu fière de moi. D'ailleurs, j'avais souvent la visite de ces jeunes dames, et elles en amenaient d'autres avec elles. De sorte que par cela, je devins connue presque dans toute la ville. J'avais maintenant près de 10 ans, et je commençais d'avoir l'air d'une petite femme, car j'étais extrêmement sérieuse, avec de belles manières, et comme j'avais souvent entendu dire aux dames que j'étais jolie et que je deviendrais extrêmement belle, vous pouvez penser que cela ne me rendait pas peu fière. Toutefois, cette vanité n'eut pas encore de mauvais effets sur moi. Seulement, comme elle me donnait souvent de l'argent que je donnais à ma vieille nourrice, elle, honnête femme, avait l'intégrité de le dépenser pour moi, afin de m'acheter coiffe, linge et gants, et j'allais nettement vêtue. Car si je portais des haillons, j'étais toujours très propre, ou je les faisais barboter moi-même dans l'eau. Mais, dis-je, ma bonne vieille nourrice, quand on me donnait de l'argent, bien honnêtement le dépensait pour moi, et disait toujours aux dames que ceci ou cela avait été acheté avec leur argent. Et ceci faisait qu'elle m'en donnait davantage. Jusqu'enfin je fus tout de bon appelée par les magistrats pour entrer en service. Mais j'étais alors devenue si excellente ouvrière, et les dames étaient si bonnes pour moi, que j'en avais passé le besoin. Car je pouvais gagner pour ma nourrice autant qu'il lui fallait pour m'entretenir. De sorte qu'elle leur dit que, s'il lui permettait, elle garderait la dame de qualité, comme elle m'appelait, pour lui servir d'aide et donner leçon aux enfants, ce que j'étais très bien capable de faire. Car j'étais très agile au travail, bien que je fusse encore très jeune. Mais la bonté de ces dames ne s'arrêta pas là, car lorsqu'elles comprirent que je n'étais plus entretenue par la cité comme auparavant, elles me donnèrent plus souvent de l'argent. Et, à mesure que je grandissais, elles m'apportaient de l'ouvrage à faire pour elles, tels que linge à rentoiler, dentelles à réparer, coiffes à façonner, et non seulement me payait pour mon ouvrage, mais m'apprenait même à le faire, de sorte que j'étais véritablement une dame de qualité, ainsi que je l'entendais. Car avant d'avoir 12 ans, non seulement je me suffisais en vêtements, et je payais ma nourrice pour m'entretenir, mais encore je mettais de l'argent dans ma poche. Les dames me donnaient aussi fréquemment de leur harde ou de celle de leurs enfants. Des bas, des jupons, des habits, les unes telle chose, les autres telle autre, et ma vieille femme soignait tout cela pour moi comme une mère, m'obligeait à raccommoder et à tourner tout au meilleur usage, car c'était une rare et excellente ménagère. À la fin, une des dames se prit d'un tel caprice pour moi qu'elle désirait m'avoir chez elle, dans sa maison, pour un mois, dit-elle, afin d'être en compagnie de ses filles. Vous pensez que cette invitation était excessivement aimable de sa part. Toutefois, comme lui dit ma bonne femme, à moins qu'elle se décidât à me garder pour tout de bon, elle ferait à la petite dame de qualité plus de mal que de bien. « Eh bien, dit la dame, c'est vrai, je la prendrai chez moi seulement pendant une semaine, pour voir comment mes filles et elles s'accordent et comment son caractère me plaît, et ensuite je vous en dirai plus long. Et cependant, s'il vient personne la voir comme d'ordinaire, dites-leur seulement que vous l'avez envoyée en visite à ma maison. » Ceci était prudemment ménagé, et j'allais faire visite à la dame, où je me plus tellement avec les jeunes demoiselles, et elles si fortes avec moi, que j'eus assez à faire pour me séparer d'elles, et elles en furent aussi fâchées que moi-même. Je les quittai cependant, et je vécus presque une année encore avec mon honnête vieille femme. Et je commençai maintenant de lui être bien utile, car j'avais presque 14 ans, j'étais grande pour mon âge, et j'avais déjà l'air d'une petite femme. Mais j'avais pris un tel goût de l'air de qualité dont on vivait dans la maison de la dame, que je ne me sentais plus tant à mon aise dans mon ancien logement. Et je pensais qu'il était beau d'être vraiment une dame de qualité, car j'avais maintenant des notions tout à fait différentes sur les dames de qualité. Et comme je pensais qu'il était beau d'être une dame de qualité, ainsi j'aimais être parmi les dames de qualité, et voilà pourquoi je désirais ardemment y retourner. Quand j'eus environ 14 ans et 3 mois, ma bonne vieille nourrice, ma mère, je devrais l'appeler, tomba malade et mourut. Je me trouvai alors dans une triste condition en vérité, car ainsi qu'il n'y a pas grand-peine à mettre fin à la famille d'une pauvre personne, une fois qu'on les a tous emmenés au cimetière, ainsi la pauvre bonne femme étant enterrée, les enfants de la paroisse furent immédiatement enlevés par les marguilliers. L'école était finie, et les externes qui y venaient n'avaient plus qu'à attendre chez eux qu'on les envoyât ailleurs. Pour ce qu'elle avait laissé, une fille à elle, femme mariée, arriva et balaya tout. Et, comme on emportait les meubles, on ne trouva pas autre chose à me dire que de conseiller par plaisanterie à la petite dame de qualité de s'établir maintenant à son compte, si elle le voulait. J'étais perdue presque de frayeur, et je ne savais que faire, car j'étais, pour ainsi dire, mise à la porte dans l'immense monde, et, ce qui était encore pire, la vieille honnête femme avait gardé par devers elle 22 shillings à moi, qui était tout l'état que la petite dame de qualité avait au monde. Et quand je l'ai demandé à la fille, elle me bouscula et me dit que ce n'était point ses affaires. Il était vrai que la bonne femme en avait parlé à sa fille, disant que l'argent se trouvait à tel endroit et que c'était l'argent de l'enfant, et qu'elle m'avait appelé une ou deux fois pour me le donner, mais je ne me trouvais malheureusement pas là, et lorsque je revins, elle était hors la condition de pouvoir en parler. Toutefois, la fille fut assez honnête ensuite pour me le donner, quoiqu'elle m'eût d'abord à ce sujet traité si cruellement. Maintenant, j'étais une pauvre dame de qualité, en vérité, et juste cette même nuit, j'allais être jetée dans l'immense monde. Car la fille avait tout emporté, et je n'avais pas tant qu'un logement pour y aller ou un bout de pain à manger. Mais il semble que quelques-uns des voisins prirent une si grande pitié de moi qu'ils en informèrent la dame dans la famille de qui j'avais été. Et immédiatement elle envoya sa servante pour me chercher. Et me voilà partie avec elle, sac et bagages, et avec le cœur joyeux, vous pouvez bien penser. La terreur de ma condition avait fait une telle impression sur moi que je ne voulais plus être dame de qualité, mais bien volontiers servante, et servante de telle espèce pour laquelle on m'aurait cru bonne. Mais ma nouvelle généreuse maîtresse avait de meilleures pensées pour moi. Je la nomme généreuse, car autant elle excédait la bonne femme avec qui j'avais vécu avant en tout qu'en état. Je dis en tout, sauf en honnêteté. Et pour cela, quoique ceci fût une dame bien exactement juste, cependant je ne dois pas oublier de dire en toutes occasions que la première, bien que pauvre, était aussi foncièrement honnête qu'il est possible. Je n'eus pas plutôt été emmenée par cette bonne dame de qualité que la première dame, c'est-à-dire madame la femme du maire, envoya ses filles pour prendre soin de moi. Et une autre famille qui m'avait remarquée, quand j'étais la petite dame de qualité, me fit chercher, après celle-là, de sorte qu'on faisait grand cas de moi. Et elles ne furent pas peu fâchées, surtout madame la femme du maire, que son amie m'eût enlevée à elle. Car, disait-elle, je lui appartenais par droit, elle ayant été la première qui eût pris garde à moi. Mais celle qui me tenait ne voulait pas me laisser partir. Et pour moi, je ne pouvais être mieux que là où j'étais. Là, je continuai jusqu'à ce que j'eusse entre 17 et 18 ans, et j'y trouvai tous les avantages d'éducation qu'on peut s'imaginer. Cette dame avait des maîtres qui venaient pour enseigner à ses filles à danser, à parler français et à écrire, et d'autres pour leur enseigner la musique. Et, comme j'étais toujours avec elle, j'apprenais aussi vite qu'elle. Et quoique les maîtres ne fussent pas appointés pour m'enseigner, cependant j'apprenais par imitation et question tout ce qu'elles apprenaient par instruction et direction. Si bien qu'en somme, j'appris à danser et à parler français, aussi bien qu'aucune d'elles, et à chanter beaucoup mieux, car j'avais une meilleure voix qu'aucune d'elles. Je ne pouvais pas aussi promptement arriver à jouer du clavecin ou de l'épinette parce que je n'avais pas d'instruments à moi pour m'y exercer et que je ne pouvais toucher les leurs que par intervalles quand elles les laissaient. Mais pourtant, j'appris suffisamment bien et finalement les jeunes demoiselles eurent deux instruments, c'est-à-dire un clavecin et une épinette aussi, et puis me donnèrent le son elles-mêmes. Mais pour ce qui est de danser, elles ne pouvaient, mais que je n'apprisse les danses de campagne, parce qu'elles avaient toujours besoin de moi pour faire un nombre égal, et d'autre part, elles mettaient aussi bon cœur à m'apprendre tout ce qu'on leur avait enseigné à elles-mêmes que moi à profiter de leurs leçons. Par ces moyens, j'eus, comme j'ai dit, tous les avantages d'éducation que j'aurais pu avoir si j'avais été autant demoiselle de qualité que l'étaient celles avec qui je vivais, et, en quelques points, j'avais l'avantage sur mes demoiselles, bien qu'elles fussent mes supérieures. En ce que tous mes dons étaient de nature et que toute leur fortune n'eussent pu fournir. D'abord, j'étais jolie, avec plus d'apparence qu'aucune d'elles. Deuxièmement, j'étais mieux faite. Troisièmement, je chantais mieux, par quoi je veux dire que j'avais une meilleure voix. En quoi vous me permettrez de dire, j'espère, que je ne donne pas mon propre jugement, mais l'opinion de tous ceux qui connaissaient la famille. J'avais, avec tout cela, la commune vanité de mon sexe, en ce qu'étant réellement considérée comme très jolie, ou, si vous voulez, comme une grande beauté, je le savais fort bien, et j'avais une aussi bonne opinion de moi-même comme du monde, et surtout, j'aimais à en entendre parler les gens, ce qui arrivait souvent, et me donnait une grande satisfaction. Jusqu'ici, mon histoire a été aisée à dire, et dans toute cette partie de ma vie, j'avais non seulement la réputation de vivre dans une très bonne famille, mais aussi la renommée d'une jeune fille bien sobre, modeste et vertueuse, et telle j'avais toujours été. D'ailleurs, je n'avais jamais eu occasion de penser à autre chose ou de savoir ce qu'était une tentation au vice. Mais ce dont j'étais trop fière fut ma perte. La maîtresse de la maison où j'étais avait deux fils, jeunes gentilshommes de qualité et tenues peu ordinaires. Et ce fut mon malheur d'être très bien avec tous deux, mais ils se conduisirent avec moi d'une manière bien différente. L'aîné, un gentilhomme gai, qui connaissait la ville autant que la campagne, et, bien qu'il eût de légèreté assez pour commettre une mauvaise action, cependant avait trop de jugement pratique pour payer trop cher ses plaisirs. Il commença par ce triste piège pour toutes les femmes, c'est-à-dire qu'il prenait garde à toutes occasions combien j'étais jolie, comme il disait, combien agréable, combien mon port était gracieux, et mille autres choses. Et il y mettait autant de subtilité que s'il eût eu la même science à prendre une femme au filet qu'une perdrix à l'affût, car il s'arrangeait toujours pour répéter ses compliments à ses sœurs, au moment que, bien que je ne fusse pas là, cependant il savait que je n'étais pas assez éloignée pour ne pas être assurée de l'entendre. Ses sœurs lui répondaient doucement « Chut, frère, elle va t'entendre, elle est dans la chambre d'à côté !» Alors il s'interrompait et parlait à voix basse, prétendant ne pas l'avoir su et avouer qu'il avait eu tort. Puis, feignant de s'oublier, se mettait à parler de nouveau à voix haute, et moi, qui étais si charmée de l'entendre, je n'avais garde de ne point l'écouter à toutes occasions.